Chapitre 40. L'autre. La soufflerie du sèche-cheveux recouvrait la voix du poste radiophonique et le crépitement de la pluie qui s'abattait en gouttes épaisses sur la fenêtre. De toute façon, Ophélie n'écoutait aucune des deux. Elle ne prêtait pas davantage l'oreille au domestique mécanique derrière sa chaise qui lui glissait des « mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine » et des « sourire trois fois chaque jour rend inutile tout médicament » tout en séchant ses boucles indisciplinées. Ophélie avait essayé de lui expliquer qu'un coup de serviette suffisait, en particulier avec la chaleur étouffante qui régnait dans la chambre, mais il ne lui avait pas laissé le choix. Lazarus ne reviendrait pas chez lui avant des semaines et Ambroise était parti faire le taxi. En leur absence, mieux valait ne pas contrarier des automates capables de dégainer des centaines de lames au premier mot de travers. Elle se concentrait donc sur la carte postale du grand-oncle, armée de la loupe qu'Ambroise lui avait prêtée. Les silhouettes de la foule de la 22e exposition interfamiliale n'étaient pas faciles à distinguer, mais l'une d'elles était très reconnaissable, un vieil homme à l'écart, en train de balayer sur un promenoir du mémorial, le visage dissimulé sous un mélange inextricable de barbe, de sourcils et de franges. En 60 ans, il n'avait pas changé. Il avait passé des siècles entiers à veiller sur ce qu'il restait de l'ancienne école où avaient vécu Eulalie et ses esprits de famille. Ophélie ne pouvait détacher ses lunettes de lui depuis qu'elle l'avait repéré sur la photographie. Il avait peut-être disparu. L'épouvante qui lui avait inspiré continuait de hurler en elle. Elle en avait fait des cauchemars toute la nuit et il lui avait fallu plusieurs douches pour estomper l'odeur âcre de l'angoisse sur sa peau. « Je m'en suis pourtant bien sortie », songea-t-elle en levant les yeux vers les traînées poussiéreuses de la pluie sur la fenêtre. Si le fils du sans-peur avait attendu une seconde de plus pour détruire la plaque, elle se serait retrouvée au mieux, dans le même état que Médiana. Ce jeune garçon l'avait-il espionné en sachant qu'elle le mènerait jusqu'au meurtrier de son père? Dans ce cas, la relève du sans-peur était incontestablement assurée. Si le vieux balayeur auquel elle s'était confrontée la veille se trouvait au mémorial, 60 ans plus tôt, alors il ne pouvait pas être cet autre qu'Ophélie avait libéré du miroir. Elle devait admettre qu'elle l'avait sérieusement considéré, mais ça ne collait pas. Et puis, c'était une chose d'épouvanter les gens, c'en était une autre de provoquer l'effondrement des arches. Ophélie sourcilla quand une odeur de roussi émana de son propre crâne. « Je crois que ça suffira, je vous remercie », dit-elle avec un signe de congé poli. L'automate débrancha le sèche-cheveux, puis s'en fut sur un dernier. « On ne peut ménager la chèvre et le chou. » La pluie et la radio reprirent aussitôt le dessus. Avec son mobilier en bois sculpté, son immense lit à moustiquaires et sa belle glace sur pied, la chambre changeait de l'austérité de la bonne famille. Dire que c'était ici même qu'Ophélie avait passé sa première nuit à Babel. Elle avait peine à croire qu'il s'était presque écoulé la moitié d'une année depuis. Elle déplia le petit papier que lui avait remis Octavio avant de la quitter. « Passez me voir à l'occasion, vos mains et vous, Hélène. » C'était une invitation qu'il était tentant d'honorer, mais elle préférait y réfléchir à deux fois avant d'approcher à nouveau un esprit de famille. Elle colla son nez à la vitre, son reflet lui renvoyant une tête ébouriffée sur fond de gouttes. Toute cette humidité était inhabituelle en pleine saison sèche. Ophélie entendit, sans vraiment l'écouter, le présentateur radiophonique faire un reportage sur le dernier salon des arts ménagers qui se tenait au centre-ville de Babel. De même, elle regarda sans les voir les bassins de nénuphars dont l'eau était troublée par celle qui tombait du ciel. Elle luttait contre le besoin d'ouvrir la fenêtre, de se jeter sous la pluie et de se pencher à la terrasse pour surveiller le portique de l'entrée. Pourquoi Thorne tardait-il autant? Remettre un livre ne prenait pas un temps considérable, non? Est-ce que les généalogistes lui avaient causé des ennuis? Ophélie sursauta en entendant deux coups autoritaires retentir contre la porte de sa chambre. « Auriez-vous l'obligeance de me débarrasser de ceci ?» exigea Thorne dès qu'elle lui ouvrit. L'écharpe s'était entortillée à sa jambe. Appuyée au chambranle, Thorne l'avait saisie comme un chat par la peau du cou, mais la laine s'était coincée dans son armature. Ophélie laissa échapper un sourire pendant qu'elle essayait de le délivrer. Et moi qui me demandais où elle était passée. Je crois qu'elle a pris goût à son indépendance. Thorne confia son parapluie trempé à l'automate qui l'avait guidé jusqu'ici, puis il lui claqua la porte au nez, à son absence de nez, en fait. « Où est le fils de Lazarus ? demanda-t-il en prenant un regard sévère dans la chambre. Il est sorti pour la journée. Thorne poussa le verrou. Tant mieux, nous ne serons pas dérangés. Il vérifia qu'il n'y avait personne sur la petite terrasse inondée de pluie. Assailli par l'écharpe, Ophélie observait avec circonspection le profil ombrageux de Thorne. Il avait peigné ses cheveux, rasé sa mâchoire et réparé convenablement cette fois son armature de jambes. Ce n'était pas l'apparence d'un homme qui a été malmené et toutefois il exhalait une odeur excessive de désinfectant. « Qu'est-ce que les généalogistes vous ont dit ? » s'inquiéta-t-elle. « Ils ont été déçus. » Thorne tira les rideaux sans se soucier de plonger brutalement la pièce dans la pénombre. « Ils ont été satisfaits, un peu plus que cela même. »« Mais ?»« Il n'y a pas de mais. Le livre que je leur ai apporté a pleinement répondu à leurs attentes. Ils sont prêts à me confier une nouvelle mission. »« Laquelle ?»« Je ne sais pas encore. » Chaque phrase de Thorne lui tombait des lèvres comme du plomb. Il alourdissait l'atmosphère par sa seule présence. Pourtant, Ophélie se sentait plus légère maintenant qu'elle ne l'avait été en son absence, plus fébrile aussi. « Et vous ? » demanda-t-elle. « Vous êtes déçu ?» Thorne la dévisagea en silence avec cette expression intensément sérieuse qui mettait Ophélie à vif. Elle resserra les pans de son peignoir autour du pyjama dont Ambroise lui avait fait cadeau. Elle eut une pensée pour l'automate et son maudit sèche-cheveux qui avait transformé ses boucles en un buisson de ronces. C'était une expérience étrange pour elle de constater qu'elle aurait soudain voulu paraître moins négligée. « Non, » finit par répondre Thorne. « Je ne m'attendais pas à renverser Dieu du premier coup. » Il prononça le mot « Dieu » avec un coup d'œil prudent pour le verrou qu'il avait poussé un peu plus tôt. Comme aucun automate ne se mit à enfoncer la porte, il se remplit un verre à la carafe de chevet, en renifla l'eau d'un nez méfiant, puis il s'assit au bord du lit. « Et vous ?» demanda-t-il à son tour. Ophélie décida de ne pas lui parler du vieux balayeur, elle le ferait plus tard. Elle ne voulait rien lui cacher, mais elle sentait que ce n'était tout simplement pas le bon moment. « Je me sens déboussolée, » dit-elle en toute franchise. « Plus je me frotte au passé de Lali d'Ieu, plus j'ai l'impression de la connaître, et pourtant plusieurs siècles nous séparent l'une de l'autre. Le pouvoir familial que vous m'avez transmis ne devrait pas permettre une telle chose, si ?»« Elle a été punie. » Thorne avait déclaré cela après avoir prudemment trempé les lèvres dans son verre. « Punie ?» répéta Ophélie. « Je ne comprends pas. »« Moi non plus. Je vous ai dit, une fois, que je portais moi-même les souvenirs de Farouk, transmis de génération en génération et de mémoire en mémoire, par le clan de ma mère. Des souvenirs fragmentés, imprégnés de subjectivité. Dans l'un d'eux, il m'est apparu que Dieu, Dieu, rectifia-t-il aussitôt, a été puni. J'ignore encore par qui, pourquoi et comment. Le buffet glaciaire des nécromanciens assure une conversation parfaite des aliments tout au long de l'année, s'extasia le présentateur radiophonique. Solide et peu encombrant pour un maximum de contenance utile, de contenance utile. Ophélie contempla le poste qui avait lâché un écho. Pensive. Peut-être que sa transformation en mille faces n'a pas été un choix. Peut-être est-ce une malédiction ? Peut-être est-ce bel et bien lié à l'autre ? Ça, dit Thorne, ce sera à nous de le découvrir, si bien sûr vous êtes toujours disposés à ce que nous enquêtions ensemble. Il s'était exprimé d'une voix raide, le regard enfoncé dans son verre. Ophélie remonta ses lunettes sur son nez. Vous en doutez ? Tant que vous resterez à Babel. « Si forte que soit la tentation et si grande que soit votre solitude, vous ne devrez avoir aucun contact avec votre famille. »« Je le sais. »« Plus vous approcherez de la vérité, plus vous vous mettrez en danger. »« Je le sais. »« En cas de difficulté, vous ne pourrez peut-être pas compter sur moi. J'ai les pieds et les poings liés par les généalogistes. »« Je le sais aussi, » dit doucement Ophélie. « C'est de cela que vous vouliez que nous parlions hier. » Thorne détacha enfin son regard du verre d'eau pour le braquer sur elle. Ses prunelles pâles projetaient un éclat incisif à travers la pénombre. « Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit l'autre soir devant l'entrée du mémorial, que je ne voulais pas de vos bons sentiments ?» Ophélie hocha le menton. J'étais sincère, poursuivit-il d'une voix implacable. Je n'en veux pas. Il se renfrogna comme s'il avait un goût désagréable en bouche. Ses doigts firent valser son verre d'une main à l'autre avant qu'il se décide à le poser. Du moins, pas seulement. Ophélie humecta les lèvres. Thorn n'avait pas son pareil pour la faire se sentir tour à tour glacée et brûlante. Vous ne... Pas de demi-mesure, la coupa-t-il. Je ne suis pas, et je ne veux pas, être votre ami. Essayez la pince à sucre automatique, c'est l'adopter, l'adopter. Les mâchoires à ressort s'actionnent d'une simple pression du doigt, du doigt. Ophélie s'empressa de baisser le volume du poste. Je refuse de vivre avec l'impression continuelle de vous mettre mal à l'aise. Enchaîna Thorn d'un ton abrupt. Si ce sont mes griffes qui vous rebutent, je suis conscient d'être peu attractif. Cette jambe ne m'empêchera pas de... Il balaya son front d'une main excédée comme s'il endurait un véritable calvaire grammatical. Toute la nervosité d'Ophélie disparut aussitôt. Elle se débarrassa de ses gants comme d'une ancienne mue. Les coups durs avaient abîmé Thorn et les dégâts étaient plus considérables au-dedans qu'au dehors. Elle se fit la promesse de le protéger de tous ceux qui pourraient l'écorcher davantage, à commencer par elle. Elle s'approcha de manière à bien se tenir dans son champ de vision. C'était une bonne chose qu'il fût assis, ça les mettait à égalité. Il tressaillit quand elle appuya ses mains nues de part et d'autre de son visage. C'était un être anguleux de corps comme de caractère, sans jamais une formule aimable, ni un geste galant, ni un mot d'humour, préférant la compagnie des chiffres à la société des hommes. Il fallait avoir une bonne motivation pour regarder Thorn en face. Ophélie en possédait une. Elle embrassa ses cicatrices. D'abord celle qui lui fendait le sourcil, ensuite celle qui lui crevait la joue, enfin celle qui lui traversait la tempe. À chaque contact, Thorn écarquilla davantage les yeux. Ses muscles, à l'inverse, se contractèrent. 56. Il désenroua sa voix d'un raclement de gorge. Jamais Ophélie ne l'avait vu aussi intimidée, en dépit des efforts qu'il déployait pour ne rien en montrer. C'est le nombre de mes cicatrices. Elle ferma, puis rouvrit les yeux. Elle le sentit à nouveau, en plus violent encore, cet appel impératif qui lui venait du fin fond du corps. Montre-les-moi. Le monde cessa aussitôt d'être mot pour se faire peau. L'ombre blême des moustiquaires, le clapotis de la pluie, les lointaines rumeurs des jardins et de la ville, rien de tout cela n'existait plus pour Ophélie. La seule chose dont elle avait une perception aiguë, c'était Thorn et elle, leurs mains défaisant l'une après l'autre chaque retenue, chaque appréhension, chaque timidité. Ophélie avait passé ses 3 dernières années à se sentir creuse. Elle était enfin complète. Sur le guéridon, près de la fenêtre, le poste radiophonique n'était réduit qu'à un murmure minuscule. Ni Ophélie ni Thorn ne l'entendirent quand le reportage sur le salon des arts ménagers fut brusquement interrompu. Citoyennes et citoyens de Babel, ceci est un communiqué de la plus extrême urgence. D'importants mouvements de terrain ont été observés il y a 20 minutes dans le nord-ouest de la ville. Les jardins botaniques de Pollux et le grand marché aux épis sont... Ils se sont décrochés de l'arche. Si vous vous trouvez à proximité de la zone instable, éloignez-vous-en et évacuez les habitations. Nous invitons toute la population à conserver son calme. Nous vous tiendrons régulièrement informés de l'évolution de la situation. What? On nous communique à l'instant que plusieurs arches mineures avoisinantes auraient également été perdues de vue. Surtout... Évitez les mouvements de panique, je répète. Citoyennes et citoyens de Babel, ceci est un communiqué de la plus extrême urgence.